soucis. J'mette pas, j'fume trop de pilons. Gucci et Vienne Milan, y'a plus d'un M sur le bilan. Y'a trop de projets dans la cabesse. J'entends que ça me rabaisse, j'ai toujours pas fait le bilan. J'vais te le dire gentiment, j'ai même pas envie de m'énerver. Faut pas me prendre par les sentiments, ils sont déjà réservés. C'est pas ce qui se passe après, mais t'es au courant de ce qui se passe maintenant. Sur le j'ai tiré plus qu'un trait, sur moi ça a retiré plus qu'un poids. Et après ça dit quoi? Me dis pas que ça dit rien, moi t'as mon cerveau, ça va loin. Et faire le galérien, ça me dit pas. Y'aura toujours de la place, même si tu sors du fond de la classe. J'préfère gonfler l'élastique, plutôt que voir le temps qui passe. J'ai commencé, j'étais minot, les premiers textes dans la vodka. Au départ c'était mignon, les premières cuites dans la vodka. Trop de détermination, mais elle est pas partie. Y'a juste quelques platines, ça a matrixé les humains. Tu me dis que mon regard est vide, j't'avoue j'me reconnais pas. J'vois ma petite sœur grandir, j'participe à ses premiers pas. T'inquiète, j'anticipe pour toi, j'vous laisserai tout à mon départ. C'est l'argent qui sépare, mais j'suis pas bien quand ça rentre fort. T'as vu mon cœur, j'ai enterré, j'suis célèbre. Mais t'inquiète pas, j'vais pas serrer. Tu veux qu'on s'arrête? Espèce de fou, j'vais accélérer. Après j'vais me garer, j'vous laisse vous bagarrer. Apparemment toi t'es chaud, sont plein de c'est nous les méchants. J'te raconte des choses, non j'suis pas qu'en train de t'échanger. Plus rien d'alléchant, c'est pas nous que tu vois lécher. J'ai ni le concert et méché, j'ai pas mon premier cachet. J'ai commencé, j'étais minot, les premiers textes dans la vodka. Au départ c'était mignon, les premières cuites dans la vodka. Trop de détermination, mais elle est pas partie. Y'a juste quelques platines, ça a matrixé les humains. Pour m'endormir, allume un joint d'âme. J'suis en train de gagner, j'ai beaucoup perdu. Y'a que la famille qui pourra me désarmer. J'suis en train de gagner, mais j'ai beaucoup perdu. J'ai commencé, j'étais minot, les premiers textes dans la vodka. Au départ c'était mignon, les premières cuites dans la vodka. Trop de détermination, mais elle est pas partie. Y'a juste quelques platines, ça a matrixé les humains.